voir et ta vie on oublie. À nous une nouvelle vie, libre et léger de conquête. Joie à tous les conquêtes. On va faire le haka, yaka, yaka, yaka. Sauter comme les paras. Yaka, yaka, yaka. Yaka, yaka, yaka, wa. Yaka, yaka, yaka, wa. Yaka, faire la fiesta. Yaka, yaka, yaka, wa. Yaka, yaka, yaka, wa. Explosive sous la fauteuse grenadine.